Ça revend le produit du pays d'origine à Unai. Avec moi, n'aie pas peur du danger, ma belle, sinon Habana. Ton petit cœur en miettes, j'ai blessé, c'est unanime. Que tu mauvais dans le fond. Faut négocier le virage. Je me rappelle de son visage. Hermès l'habillage. Et comme je suis mauvais dans le fond, elle m'a bloqué l'habillage. Et mon jour fait des vingtaines de nuits. Ah. Je t'oublierai après mon atterrissage. Ça revend le produit du pays d'origine à Unai. Avec moi, n'aie pas peur du danger, ma belle, sinon à part. J'ai offert un petit verre de Dompé à Kachana. T'inquiète pas, viens suis-moi en Opel, ma belle, ça fait loin Paname. Antidote revendu, je réponds plus, je coupe la ligne. Je suis sûrement mauvais dans le fond.